Deuxième partie de l'enregistrement. Nous informons notre aimable clientèle que le film Les Souvenirs de Virginie sera projeté au cours d'une séance supplémentaire qui commencera à 0h30 le vendredi soir et le samedi soir seulement. Pour les autres films, les horaires des séances restent inchangés. Les films commencent à 14h, 16h05, 18h05, 20h15 et 22h15 pour la dernière séance.